Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Né dans un petit village de l'Auvergne, Julien est victime d'un accident de tracteur qui le plonge pour 2 jours dans le coma. Gravement atteint au poumon, il sort de l'hôpital avec une très faible capacité respiratoire. Pour récupérer, il doit faire du sport. Séduit par le vélo comme moyen de locomotion, il se lance rapidement dans des voyages à travers le massif central et la route prend une tournure bien plus lointaine. Il part faire le tour du monde. À ces voyages est associée une cause qui lui tient à cœur, le don du sang. Il a créé l'association Les Voyageurs au Grand Cœur, qui a pour but de sensibiliser la population à ce geste civique. Cette thématique revient dans chacun de ses voyages et s'accompagne toujours de la volonté de donner. J'ai croisé le regard de Julien sur le stand de Transboréal, et son histoire m'a emmené ailleurs. Julien, un breton adopté par les Auvergnats quand j'avais 1 an et demi. Ça fait 30 ans que je vis près de Clermont-Ferrand. J'ai commencé à voyager, à m'intéresser au voyage à 23 ans, donc c'était en 2004. En fait, j'avais eu un grave accident de tracteur, puisque mes parents sont paysans sur les contreforts d'un magnifique plateau au cœur de l'Auvergne. J'ai eu un grave accident quand j'avais 16 ans, donc j'ai failli y passer concrètement. Et du coup, pendant mon séjour à l'hôpital, j'avais reçu pas mal de sang. Et donc quand j'avais eu mes 18 ans, 2 années après, j'ai voulu aller donner mon sang et puis on m'a dit non, tu peux plus donner ton sang en France parce que voilà, c'est comme ça en France. Et du coup j'ai été très très frustré. Et en fait je me suis mis au vélo après mon accident puisque j'avais eu des graves problèmes au niveau des poumons. J'ai voulu associer cet outil de rééducation, le vélo, à ce geste qui m'avait sauvé, le don du sang. Et donc voilà, j'ai décidé de parcourir quelques milliers de kilomètres par-ci par-là pour montrer l'importance de ce geste et puis motiver les gens à donner leur sang. Donc toi, il a fallu cet incident de route pour pouvoir t'intéresser au voyage, ou c'est quelque chose qui était déjà latent, qui était en toi, mais tu n'avais juste pas eu l'occasion de libérer ce voyageur intérieur qui est en toi? Non, c'est vraiment l'accident. En fait, pendant cet accident, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI. Il y a d'excellents bouquins qui traitent de ce sujet et qui montrent que ceux qui ont la chance finalement, ou la malchance, je ne sais pas, pour moi, comme pour les personnes en fait qui l'ont vécu, c'est finalement une chance, c'est un gros malheur qui se transforme en une énorme chance, qui change, qui chamboule toute la vie, sans vraiment s'en rendre compte en fait, puisque j'ai mis des années à me rendre compte que j'avais vécu en fait une expérience de mort imminente, je ne savais pas du tout ce que c'était, ce que ça existait, etc. Et donc voilà, c'est vraiment cet accident qui a changé ma vie. Qui m'a donc orienté vers ce cheminement à la fois personnel et puis physique sur les routes. Donc c'est vrai que tout est né de là, bien sûr. Mais c'est quoi cette prise de conscience? C'est une envie de vivre, simplement? Comment est-ce que tu l'as définie? Comment est-ce que tu l'as interprétée avec le temps, les années et aujourd'hui? Oui, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est donner d'autres priorités à sa vie. Quand tu as 16 ans, tu peux avoir priorité d'aller en boîte de nuit, de toucher à des choses ou autres, de t'évader dans d'autres moyens. Puis par cette expérience, j'ai voulu avoir d'autres choses, vivre une vie pleine, aller à la rencontre des gens. Je pense que c'est ça aussi. Avant cet accident, par exemple, j'étais quelqu'un de très très timide, très très réservé. Jamais j'aurais pensé partir dans des pays où je ne parlais pas la langue, où les gens étaient bizarres par rapport à moi. Et je pense que je me suis orienté vers un mode de vie, d'autres choix, d'autres volontés. Thank you. Et donc là, le premier voyage, ou la première, cet accident survient, une remise en question sur toi, sur la vie, sur les envies que tu as pour la vie à venir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, au début, c'était très pragmatique, on va dire. J'ai eu mon accident à 16 ans. À 17 ans, je me suis mis sur un vélo pour... J'avais plus qu'un litre de capacité respiratoire, donc il a fallu que je travaille d'un point de vue pulmonaire, donc je me suis mis au vélo. Et puis quand vous avez 17 ans, que vous habitez au fin fond de l'Auvergne, loin de tout, dans un endroit où il y a 5 habitants au kilomètre carré, j'avais tous mes copains qui étaient un peu dispatchés en Ardèche, en Lozère, en Aveyron. La seule manière d'aller les voir l'été, c'était d'y aller à vélo, puisque j'avais pas la voiture, il n'y avait pas le train bien sûr. Et donc voilà, j'ai commencé à voyager pour aller voir mes potes qui habitaient à 50 km, l'autre à 50 de l'autre, etc. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était génial. Moi, d'un point de vue déjà paysager, j'ai découvert des régions à la vitesse du vélo, donc tranquillement, en prenant le temps. Et puis d'un point de vue humain aussi, déjà les copains qui étaient un peu épatés de voir leurs potes venir à vélo de si loin, vous imaginez, au moins 100 km. Et donc très vite, ça m'a beaucoup plu. Et donc avec un copain, on s'est dit, quelques années après, on s'est dit, tiens, on va aller voir nos amis qui sont, cette fois-ci pas en Lozère ni en Aveyron, mais en Slovaquie, en Slovénie et en Pologne. Et donc on est partis tous les deux. Mais alors lui, il était en moto, puisque bon, il n'est pas un cycliste, donc il m'assistait en moto. Et moi, j'étais à vélo. Et donc ensemble, on a fait 5000 km comme ça en un petit mois. Et après, j'ai voulu continuer l'aventure tout seul cette fois-ci, sans motard. Et tu t'es lancé sur différents continents, tu me parlais de l'Europe de l'Est, là j'ai un bouquin Cap sur Ushuaïa, je sais pas pourquoi c'est celui-là que tu m'amènes, c'est le dernier. C'est le dernier, c'est aussi la plus belle aventure que j'ai vécue. C'est vrai qu'après ce voyage, là je suis sur un autre bouquin qui va sûrement s'appeler Nouvelle Vagabonde, qui raconte le voyage que j'ai vécu avec ma femme, cette fois-ci, de la France jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Mais justement, avant de rencontrer Marion, j'étais en Amérique du Sud, j'avais pédalé entre Lima et Ushuaïa, c'était un voyage de 6 mois, 11 000 bornes, et ça reste le plus beau voyage. C'est l'Amérique du Sud, c'est des lumières, c'est des couleurs, c'est des gens qui vous font beaucoup réfléchir, qui sont humainement très très forts. Quand vous allez dans la Patagonie, vous avez ici des gens qui vivent dans des endroits très très durs, où le climat est quand même assez rude, et du coup ça vous fait des personnalités, chaque rencontre est vraiment une personnalité. Et voilà, ce voyage a été d'une grande richesse. Et puis à la fin de ce voyage, je m'étais dit, ce sera la dernière fois que je voyagerai seul, parce que quand je suis arrivé à Ushuaïa, j'avais 30 000 km au compteur. Et je m'étais dit, maintenant je crois que j'ai fait le tour tout seul. J'étais un peu triste sur la fin d'être tout seul. Et donc j'ai rencontré Marion juste après, et puis on est partis ensemble. Donc c'était le changement de vie, encore un autre. Ce voyage-là, c'était la fin d'une aventure et le début d'une autre. D'un nouveau voyage, ça me fait penser à une très belle phrase que j'aime beaucoup citer dans le film Into the Wild, la fin, la moralité, ou un peu la phrase qui ressort, c'est le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et à travers ton expérience du vélo 30 000 km seul, tu es arrivé peut-être à cette conclusion-là. Eh bien non. Non, je suis pas. C'est vrai que j'ai adoré Into the Wild. Ça reste pour moi un très beau film qui montre beaucoup de choses assez intéressantes. Mais c'est vrai que moi j'ai vu que beaucoup de bonheur sur mon vélo tout seul. Parce que justement, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Quand vous traversez le Salar de Uyuni, ça vous prend 2 jours. Vous n'avez rien, juste du sel, rien comme horizon. Vous pédalez des heures durant sans rien voir d'autre que du sel sous vos pneus. Et bien là, vous refaites toute votre vie, vous faites des plans, vous revoyez ce que vous avez fait, ce que vous avez loupé, ou ce que vous aimeriez faire, etc. Enfin, voilà, et l'Amérique du Sud, ça a été ça tout le long. J'ai vraiment refait ma vie sur mon vélo. Et j'en suis justement arrivé à la conclusion à la fin que maintenant, il était temps de passer à autre chose. Et de vivre les mêmes aventures, mais à deux. Donc je suis absolument heureux d'avoir vécu ces aventures seul, et je suis heureux aussi, de la même manière d'avoir vécu d'autres aventures avec Marion, qui donc pendant ce voyage de 2 ans après l'Amérique du Sud. Alors est-ce que le voyage rendrait heureux ? Moi je pense. Je pense qu'il peut, qu'il peut rendre heureux. Alors attention, c'est pas un bonheur qui s'acquiert comme ça en claquant les doigts. Et c'est difficile. Ça peut être difficile pour plusieurs choses. L'Amérique du Sud, ça peut être difficile parce que bah, voilà, il y a des cols, je parle pour le vélo en tous les cas, il y a des cols à 5000 mètres à passer, à 4800. Il peut faire froid, il y a du vent, la Patagonie, ça vous couche les arbres, ça vous couche les cyclistes. Ça peut être dur humainement. Nous, notre dernier voyage avec Marion, ça a été extrêmement difficile en Inde, où bah, voilà, il y a une densité, une incompréhension, une telle différence de culture que bah, ça a été extrêmement dur. On en est venu aux mains, on était agressif, on s'est senti agressé. Pourtant, avec des Indiens qui étaient charmants, qui ont été très très accueillants, qui nous ont accueillis tous les soirs chez eux, et pourtant on les supportait plus. Donc il y avait aussi cette contradiction humaine qui était bouleversante. Donc voilà, mais au final c'est un grand bonheur. Mais voilà, c'est pas un bonheur qui est simple à acquérir, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est sûrement plus durable. Je veux dire, quand on obtient quelque chose de trop facilement, ben c'est peut-être quelque chose qui va très vite disparaître aussi. Là voilà, ça a été, c'est dur et c'est beau, et ça le rend encore plus intense, encore plus fort. Voyager, c'est une chose, écrire, c'en est une autre. Comment l'idée ou l'envie d'écrire est venue? C'est vrai que c'est deux choses très différentes. En fait, je me suis mis, et c'est pareil, du point de vue à l'écriture, bon, moi j'ai une formation scientifique, donc rien à voir. J'aurais jamais cru écrire, et en fait je m'y suis mis, bon, au début assez maladroitement, pour ben, retranscrire ces émotions, ce qu'on avait vécu, et aussi pour continuer cette promotion du don du sang, puisque l'idée c'était toujours de véhiculer ce message de fraternel, universel, qu'est le don du sang. Et donc, ben voilà, on voulait faire la promotion pendant le voyage, mais aussi après, continuer cette promotion. Et donc, la meilleure manière, c'était d'écrire des livres, et puis ben voilà, d'aller faire des projections, des conférences un peu partout en France. Et donc voilà, il y a eu un premier livre qui a été ce qu'il était, il y en a eu plusieurs, et maintenant il y a un film. Donc là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus élaboré avec le livre, et donc on arrive d'autant plus maintenant à promouvoir le don du sang à travers nos voyages. Parce qu'avant tout, ce qu'on veut montrer aussi, c'est un voyage. Je veux dire, et les gens, quand ils s'assiedent dans la salle de cinéma pour voir, ou de projection pour voir notre film, on a d'abord envie de les faire voyager avec nous, les prendre sur notre porte-bagages, et leur faire traverser les pays, leur faire vivre nos galères, leur faire vivre nos bonheurs. Et puis aussi leur dire, bah, vous voyez, aussi, dans tout ça, il ne faut pas oublier le don du sang. C'est un geste qui est universel, qui se fait dans tout le monde et qui sauve des vies partout dans le monde. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. J'ai envie de continuer à parler avec toi du don, sans parler forcément du don du sang, mais juste le fait de donner le don. Est-ce que tu as reçu sur les routes ? On reçoit énormément, bien sûr. Et ça, c'est une question que je pense beaucoup de voyageurs se posent, surtout quand on voyage comme cela, à force de s'émoller, que ce soit en kayak, à vélo, à pied, etc. Ben voilà, on reçoit énormément de choses de la part des gens. Ça peut être un sourire qui permet d'avancer, ça peut être un bout de pain, ça peut être un lit, ça peut être une douche, ça peut être énormément de choses. Donc c'est vrai qu'on reçoit énormément, et souvent on se pose la question, mais en disant, mais on a envie de leur rendre à ces gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, on se rend compte que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où les gens, après m'avoir hébergé pendant deux ou trois jours, au moment de partir, lorsque je l'ai quitté, ils m'ont dit bah, merci d'être venu chez nous. Et en fait, voilà, c'était l'inverse, quoi. C'est eux qui me remerciaient de m'être arrêté chez eux, de m'être laissé héberger, nourri, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, on donne aussi, en fait, à ces gens-là qui nous accueillent, on casse leur quotidien. Je me souviens d'une soirée qu'on a passée chez une grand-mère, la Baba Zakorska, au fin fond de la Serbie, qui nous a quittés avec les larmes aux yeux et qui nous a dit bah, merci parce qu'il ne se passe jamais rien dans ce village. Et voilà, donc ça nous a fait plaisir. Et elle, on a quand même voulu lui rendre autre chose que notre simple visite. Et donc là, on a des amis qui sont allés en Serbie, ils sont partis pour un long voyage aussi jusqu'en Mongolie à vélo. Et donc on leur a donné voilà, une photo de notre mariage. Et ils sont allés voir cette baba Zagorska à l'improviste, on leur avait donné l'adresse. Et donc, ils sont allés lui donner voilà, une simple photo de nous. Et donc, bon, pareil, ils ont été hébergés, ils ont été nourris, ils ont reçu beaucoup. Et voilà, c'est aussi, le voyage peut continuer, le don peut continuer par d'autres personnes. On peut rendre aussi ce qu'on a reçu comme cela. Alors la question qu'on devrait tous se poser, c'est quel est le sens de la vie? Et je pense que la réponse, on est tous d'accord, c'est une sorte de quête du bonheur, être heureux finalement. Je crois que c'est ce qu'on peut aspirer à ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, c'est être heureux. Et là, on parle du don, on parle du fait de recevoir, on parle du voyage. J'ai l'impression que dans le voyage, on apprend vraiment ce que c'est que de prendre le temps de donner et de recevoir. C'est vrai que le bonheur semble complètement lié au don, en fait. Et je veux dire, on est heureux de donner. J'ai pu donner mon sang 2 fois dans ma vie, pour revenir à ce don du sang, mais on peut faire d'autres choses. Une fois au Cambodge, une fois en Nouvelle-Zélande. Et chaque fois, ça a été un bonheur immense. Immense de dire, voilà, je peux donner quelque chose gratuitement. Et la personne qui va le recevoir en fera bon usage, pour le coup. Et c'est vrai que ben, voilà, le fait de rendre heureux quelqu'un en lui donnant quelque chose de simple, ça peut être du sang, ça peut être un sourire, ça peut être du temps, ça peut être une douche, ça peut être voilà, un simple repas, ça peut être des milliers de choses, de petites choses. On n'a pas besoin de faire de donner quelque chose qui se compte en dollars ou en euros. Ça peut être des sourires peuvent rendre beaucoup plus heureux qu'un chèque de 1 000 euros. Ben voilà, c'est vrai que le don et le bonheur sont indissociables, c'est évident. Oui. Et le don n'est pas forcément matériel, c'est ça que j'ai envie aussi de mettre en avant, quoi. Comme tu disais, un sourire, du temps, juste donner de son temps, de la présence, de la conscience. Complètement, c'est vrai que ben voilà, c'est facile. Je veux dire, ça peut... Après, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, évidemment. Mais ça peut être facile de donner 20 euros, etc. Mais je veux dire, prendre du temps, donner de soi autrement que par l'argent, ça peut être des fois beaucoup plus... on peut prendre beaucoup plus sur soi, en fait. Et du coup, ça montre un réel intérêt, un réel amour. Et ça montre beaucoup plus de choses qu'un simple chèque ou qu'un simple billet. C'est vrai que ben, voilà, donner un sourire... Moi, c'est un sourire qui m'a permis de finir mon voyage en Amérique du Sud, le sourire d'une fillette qui m'a fait comprendre qu'en fait, ben voilà, j'avais réussi mon voyage puisque ben, j'étais chez eux et elle avait trouvé en moi quelque chose de beau dans mon regard ou je ne sais pas. Et le simple fait voilà, qu'elle me sourie et qu'elle me dise ça, ben ça m'a permis ben voilà, d'évacuer toute la tristesse que j'avais ce jour-là et d'arriver jusqu'à Ushuaïa en me disant ben voilà, j'ai réussi mon voyage et j'ai réussi à avoir le bonheur que je cherchais sur la route. Ce que je trouve merveilleux dans ce que tu racontes, c'est que à toi, tu t'es aussi donné la possibilité de vivre cette réalité. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, ah, vous avez de la chance de partir comme ça. Alors déjà, aux gens qui nous disent vous avez de la chance, je dis bah, écoutez, je vous donne mon vélo et puis on va aller demain, là ils ont annoncé un bon orage, on va aller pédaler et puis déjà on pourra en reparler sous la pluie, dans le vent, dans les montées, etc. Et puis aussi, je leur dis, ben, c'est pas de la chance, c'est vraiment, ben, je veux dire, c'est un choix de vie. Et je pense que beaucoup, beaucoup plus de personnes peuvent s'offrir ça, se dire, ben oui, en fait, je peux changer ma vie. Je peux arrêter le train-train, le boulot, le métro. Je peux arrêter de courir contre je sais pas quoi, contre des chimères, contre une voiture plus grosse, contre une grande maison, etc. Et je peux juste, ben voilà, fermer mon appart, le louer à une autre personne, et puis prendre un vélo, ben, partir à pied, un sac à dos, aller ramer, j'en sais rien. Et puis en fait, on se rend compte que ben voilà, ça peut être permis. Il s'agit juste de se dire ben, j'ai envie de sortir de ce que la société m'oblige à faire. En fait, c'est vrai que nous-mêmes, en retour de voyage, on se fait happer par cette société, on se fait en cours, on travaille, etc. Mais finalement, on a aussi maintenant l'expérience de se dire ben, tout ça, on peut l'arrêter quand on veut, quand on le veut, et repartir pour chercher d'autres choses. Donc c'est vraiment nous les acteurs, tu as raison, quoi. Souvent on te dit, ouais, tu as de la chance, mais cette chance, on se la crée. Complètement, c'est, voilà, on est maître de sa vie, je pense, jusqu'à certaines limites peut-être, mais chaque cas est particulier, mais je pense que ça mérite à tous ceux qui écoutent par exemple ce reportage, qui disent, ah non, il a de la chance, bah, réfléchissez, posez-vous dans votre canapé, parlez avec votre conjoint ou vos enfants, etc., puis réfléchissez vraiment à votre situation, et je pense que bah, vous avez peut-être la chance vous aussi, en fait, la chance ou de pouvoir partir, et en fait vous verrez que c'est pas vraiment de la chance, c'est juste voilà, se dire ben, aujourd'hui on se met un coup de pied au derrière et puis on prend notre vie en main en fait. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Est-ce que j'ai envie de revenir sur le voyage en fait? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas ça l'essence de ton message aujourd'hui. Peut-être c'est plutôt ce que tu es. C'est vrai que tu as, j'aimerais bien partager avec vous auditeurs la bienveillance du regard que tu as. Et les pattes de comment on a, les pattes de toi, hein, le côté joyeux dans ton regard, Julien. Alors ce regard, ça c'est vachement marrant parce qu'en fait, j'ai rencontré deux personnes dans mon deuxième voyage en Nouvelle-Zélande. Mais des personnes qui revenaient d'Amérique du Sud à vélo. Ils avaient passé 6 mois et un an, elle un an, elle avait 42 ans, elle était toute seule, et lui il avait à peu près mon âge, il venait de passer 6 mois. Et j'ai vu deux personnages bien sûr, mais aussi surtout des yeux incroyables. C'était les mêmes yeux. C'était deux personnes qui se connaissaient pas du tout, je les ai rencontrés à un mois d'intervalle, mais ils venaient du même endroit, du même sous-continent. Et j'ai vu ses yeux et je me suis dit, mais c'est incroyable, il y avait... Voilà, quelque chose de très très puissant dans ses yeux. Et je me suis dit, ben, j'ai envie d'avoir les mêmes yeux. Voilà. Et donc je suis allé en Amérique du Sud, quelques années après. Je pense pour avoir les mêmes yeux, parce que voilà, il y avait quelque chose là-dedans. Et justement, je parlais de cette fille qui m'avait redonné le moral. Et en fait, c'était ça. Ça faisait 5 mois que je pédalais. J'étais sur la Carretera Austral, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis trop con, je suis loin de tout, je suis tout seul sur mon vélo, il pleut, il y a du brouillard, il fait froid. J'ai tous mes amis qui sont bien au chaud chez eux et moi je suis là loin de tout. Donc vraiment beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse ce jour-là, alors que jusque-là le voyage avait été fabuleux. Et donc je m'arrête, il y avait une petite clairière, donc les nuages étaient très très bas, vraiment ils devaient faire une dizaine de degrés, et j'étais trempé de partout. Et donc je vais voir le fermier, je dis, est-ce que je peux planter ma tente près de votre maison? Il me dit oui, pas de problème, donc je plante la tente, mais j'étais assez fermé, donc... Ils sont restés en dehors, un peu à l'écart. J'ai fait ma popote, je suis allé dormir. Et puis le lendemain matin, je suis allé les remercier, donc je suis allé les voir. Puis donc ils m'ont offert un thé, on a discuté un peu et c'était un très très bon moment. Puis à un moment, il y a la petite fillette, donc elle avait 6 ans. Puis elle chuchote à l'oreille de sa maman et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle vous dit? Et la mère me dit, bah, écoutez, elle n'a jamais vu des yeux aussi beaux. Et en fait, je me suis dit, bah oui, voilà, j'ai réussi, je suis venu chercher ça, et cette petite fillette, alors j'étais triste la veille, j'avais envie d'arrêter, et voilà, cette petite fillette venait de me dire bah, que voilà, j'avais trouvé ce que j'étais venu chercher en Amérique du Sud, et du coup, bah, voilà, je suis arrivé à Ushuaia en pensant à cette petite fillette, et en me disant, bah, voilà, j'ai pas pédalé pour rien, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak par rapport à ce don du sang, on avait créé une association qui s'appelait les voyageurs, au grand cœur. Pour ma part, j'ai fait donc ces 50 000 bornes. Marion en a fait ses 22. Et on a deux couples. Un couple de retraités qui voyage pas mal. Alors, elle a 70 ans. Lui, il doit avoir à peu près dans les mêmes eaux. Là, ils viennent d'aller jusqu'à Copenhague à vélo, par exemple. Donc toujours pour promouvoir le don du sang. Et puis, il y a eu deux jeunes aussi, Pierre et David, qui, eux, sont allés en Amérique du Sud pour promouvoir le don du sang, toujours. Donc voilà, l'association continue. On a trouvé d'autres personnes qui veuillent pédaler pour montrer ce geste. Donc c'est toujours super intéressant. Et moi, je pense que je vais, je vais continuer sur ma lancée parce que voilà, on a ce film qui sort et qui offre de très très beaux témoignages sur le don du sang. Donc on va essayer de le montrer pendant les 2-3 prochaines années un peu partout en France. Et puis après, je pense qu'on va passer. C'est important de passer le relais, de faire d'autres choses parce que sinon ça devient trop personnel, on va dire. Et là, on a un beau projet, on a une belle association, et donc c'est bien que d'autres personnes s'investissent là-dedans, parce que le don du sang, ça concerne tout le monde. On est tous concernés par le don du sang. 80% de la population va recevoir un jour ou l'autre du sang. Donc c'est bien aussi qu'il y ait d'autres voyageurs qui aient envie de pédaler ou de marcher ou de faire du roller. C'est arrivé aussi à une jeune niçoise qui était partie en Corse pour faire le tour de la Corse en roller pour promouvoir le don du sang. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait aussi d'autres personnes qui fassent d'autres kilomètres pour ce geste. Merci à toi, Julien Leblay. Donc des bouquins et bientôt un film qui tournera à travers la France avec un message qui est le don du sang, mais peut-être plus généralement le plaisir d'offrir, le plaisir de donner. Oui, complètement, voilà, c'est vrai que... Et puis bien sûr, à donner votre sang, évidemment, puisque ça c'est un des plus beaux gestes, c'est un des rares gestes qui reste, qui peut être gratuit. Il y a tant de choses aujourd'hui qui tournent autour du commerce, etc. Et là, voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose gratuitement, sans savoir pour qui ça va, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, pourquoi pas changer sa vie, puis partir à l'aventure, que ce soit à vélo, à pied ou autrement, mais voilà, prendre sa vie en main pour vivre autre chose, ça peut vraiment valoir le coup pour soi et puis aussi pour les autres. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.